Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille, dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Raconter le monde, une série d'Arnaud Contreras réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a des souvenirs de voyage et l'exotisme comme un piège confortable, alors qu'il faudrait changer de point de vue et se décentrer pour écrire et lire plus clair. Alors pour commencer, les personnages, une spécialiste du voyage, une chercheuse qui adresse, un éditeur qui regarde le monde, un stagiaire au Cameroun et une cinéaste qui veut réécrire. Ensuite, le décor. L'Occident et ses gros sabots, une littérature coloniale des voyageurs naturalistes, d'autres pays du livre, la littérature autochtone, des déconstructions, le désir d'ailleurs, les récits oraux et une pièce de théâtre. Aujourd'hui, troisième épisode, on parcourt les rayonnages. Alors ça, c'est la bibliothèque du salon, là c'est mon bureau. Raconter le monde, décoloniser le récit du monde. Arnaud Contreras, Jean-Philippe Navarre. Voilà. Là, c'est le coin des beaux livres. Et il y a bien évidemment des voyageurs qui ont marqué. On peut penser à Ibn Battuta, le grand voyageur arabe. Marie-Hélène Freissé. Et c'est assez intéressant de le lire parce qu'on voit bien comment lui projette son regard de musulman et de commerçant. Donc partout où il va, il voyage essentiellement dans l'océan Indien, mais pas seulement. Et quand il débarque, il veut voir un petit peu comment s'effectue le commerce. Donc il décrit les bateaux, les pratiques commerciales et il décrit les pratiques religieuses. Ça l'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a des musulmans sur place ? Mais il décrit aussi, quand il va en Inde, les pratiques hindouistes, etc. Donc voilà un exemple. Ibn Battuta, un grand classique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grands historiens qui s'intéressent au regard de l'autre. Mais c'est à peine ébauché pour l'instant, c'est un énorme sujet et il est urgent dans ce monde globalisé d'entendre la parole des autres et elle est passionnante. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre qui vient à nous, quoi. Avec quel arrière-plan, à la suite de quel espoir. Enfin, on ne comprend pas. On est juste dans le regard sur l'autre qui arrive chez nous, comment on va le traiter politiquement. Enfin, on n'est pas non plus dans l'humain. On ne partage pas l'expérience. On ne connaît même pas, par exemple, les récits de voyage. Et il y en a quelques-uns qui sont parus en France, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Les récits de voyage des Chinois, puisque il y a eu des milliers, des centaines de milliers de pèlerins, par exemple, bouddhistes, traversant une partie de l'Asie. Et on a eu quelques-uns de ces récits. Et c'est souvent absolument passionnant. Marie-Hélène Freissé, est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de monopole d'un certain continent par rapport à un autre ? Oui, il y a une domination. Le monde est raconté à 90% par la frange occidentale de l'Europe et par l'Amérique du Nord. Moi, quand j'ai commencé à m'en occuper, il y a une trentaine d'années, on était en période de décolonisation. Et comme cette littérature est extrêmement coloniale et imbue de la supériorité européenne, on ne touchait plus à ça. Parce que les historiens spécialistes de la littérature de voyage et d'exploration étaient quand même très souvent des gens d'extrême droite, un peu nostalgiques d'Empire. Alors qu'aujourd'hui, on revisite tout ça avec les outils critiques d'aujourd'hui et que c'est passionnant parce qu'il ne faut pas se cacher que ça a un charme, même ces écrits parfois qui sont insoutenables pour les raisons qu'on vient de dire, mais ça dégage un charme qui est le... On est derrière le regard de quelqu'un qui observe un monde encore à découvrir. Moi aussi. Depuis quelques années, un mot apparaît de plus en plus fréquemment dans les conversations. Décoloniser. Ce mot apparaît notamment dans le champ littéraire. Il faut décoloniser la littérature de voyage. Issu d'un courant militant, le courant décolonial remet en cause le récit du monde qui a été fait pendant des siècles par des explorateurs, des géographes, des écrivains. Selon eux, il est grand temps de lire d'autres récits du monde, d'écouter d'autres points de vue, que ceux exprimés par des auteurs, principalement occidentaux. Au travers de ce documentaire, nous interrogeons ce terme, cette affirmation, cette expression, décoloniser le récit du monde. puisque nos êtres au monde sont très différents, même les logiques narratives sont très différentes. Et moi, ça m'est déjà arrivé, je me rappelle quand j'ai commencé à m'intéresser au corpus Innu, d'aller à des récits de contes et d'écouter des contes dans des contextes Innu. Et à la fin, tout le monde était mort de rire et moi, je comprenais rien. Et la chute, j'étais vraiment passée à côté parce qu'en fait, j'avais pas les outils culturels pour la comprendre. Donc aussi, c'est avoir conscience de ça. Je suis Alice Le Filleul, universitaire, prof et journaliste. Alors moi, j'ai fait une thèse dans la discipline qui est la littérature comparée, mais en fait dans le champ d'études qui est tout émergent en France actuellement et qui s'appelle les études décoloniales. Et donc en fait, mon travail de recherche depuis 5 ans, entre la France et le Québec, c'était de travailler à partir de corpus des Premières Nations du Québec et plus précisément d'une nation au nord du Québec qui s'appelle les Innu, et de corpus littéraires franco-africains ou afro-descendants, selon comment se définissent les auteurs, et de voir en fait comment est-ce que ces corpus littéraires-là pouvaient nous permettre d'avoir des outils d'analyse critique qui ne soient pas issus d'un mode de pensée occidental. Alice, qu'est-ce que ça veut dire décoloniser la littérature, décoloniser le récit littéraire ? Quand on est face à un livre, il y a au moins deux personnes en présence, un auteur et un lecteur. Décoloniser le récit littéraire, ça pourrait commencer par, quand on est un lecteur, avoir conscience d'où est-ce que je lis. Et me dire, ah mais moi, si je pose ce regard-là sur le texte, que ce soit un regard de lectrice ou que ce soit un regard d'universitaire, il est maillé d'une multitude de schémas qui sont issus de mon mode de pensée et qui, de fait, étant donné que moi je suis une Française blanche formée à l'université Sorbonne, plutôt des modes de pensée dominants. De l'autre côté, ça peut aussi vouloir dire, en tant qu'écrivain, dans mon cas, des écrivains par exemple Innu, des Premières Nations, aussi avoir conscience en tant qu'écrivain des Premières Nations que quand on écrit, on fait un geste politique et qu'on se ressaisit d'un outil, ici la littérature, pour aussi pouvoir raconter les choses comme on l'entend, à sa manière. En fait, le décolonial, c'est avoir conscience que tout savoir, toute parole et tout point de vue est situé. Et une fois qu'on a compris, nous, où est-ce qu'on était situé, et les personnes ou les œuvres avec lesquelles on rentrait en relation, où est-ce qu'elles étaient situées, là, on peut avoir un dialogue qui va être, on va dire, dépouillé des structures qui nous enserrent. Très concrètement, pour publier, il faut pouvoir passer par des choses très institutionnelles qui sont les maisons d'édition et qui ne sont pas, qui elles aussi héritent de toutes ces questions-là, de lieu de savoir, lieu de pouvoir. Et donc, quand on va être un auteur, par exemple, africain, qui va être publié en France, on peut aussi être publié parce que telle maison d'édition va avoir envie d'un auteur un peu exotique et qu'elle sait que ça va faire vendre à ce moment-là. Enfin voilà, c'est pas seulement décentrer l'Europe, mais c'est vraiment en fait recréer une multitude de centres en ayant conscience d'où est-ce que tout ça parle et comment tout ça parle. Je suis Marc de Gouvenin, ancien éditeur, ex-agent littéraire, écrivain. Puis, comme je voyageais beaucoup, j'ai démarré une série, Échec du Sud, de récits de voyage, entre guillemets, appelée Terre d'aventure au début, puis aventure. Ensuite, comme j'avais approché l'Australie, le Pacifique, j'étais allé plusieurs fois là-bas, j'ai démarré une série antipode d'écrivains du Pacifique Sud. Et puis, pour finir en beauté, à l'âge de la retraite, j'ai démarré une série de polars, et puis Millennium, dont tout le monde a entendu parler. Marc de Gouvenin, est-ce qu'il y a une autre manière de raconter le voyage ? La question est immense. Elle est ce que nous, lecteurs français, ou d'Europe occidentale, on a comme perception. C'est vrai que nous sommes quand même formés par les voyageurs naturalistes, par les grands Lapérouse et autres, Cook et autres Darwin, avec une descriptive des lieux, des plantes, comme ça, je vis au-delà du cap, une crique s'ouvrir, etc. Enfin, on est formés là-dedans, y compris leur vision du bon sauvage ou du mauvais sauvage, des autres populations. Bon, moi, m'intéressant évidemment à tout ce qui pouvait être publié, J'ai vu quelques titres anciens, chinois par exemple, mais on s'aperçoit que les voyageurs chinois anciens, ils arrivent en Indonésie, ils comptent le nombre de bateaux. Ce qui les intéresse, c'est le commerce. Les gens les intéressent peu, autant que je sache. Même chose, bon, il y a des récits arabes de voyage, mais est-ce que ça nous correspond ? Éditer un livre, c'est aussi quand même avoir l'idée de pas éditer un livre parce qu'il est bizarre et étonnant et ne correspond pas à ce que nous sommes. C'est quand même aussi essayer de faire vibrer des cordes en nous qui résonnent parce qu'on a des bases culturelles. Par contre, là-dedans, ce qu'on peut voir, c'est que, d'une part, on peut découvrir un monde qui n'est plus entièrement eurocentré ou occidentalo-centré. Je parlais de Matien, jeune chinois, qui voyage comme routard au Tibet, qui s'est fait reprocher par les Tibétains de présenter un Tibet caricaturé ou péjoratif, ou etc., qui s'est fait reprocher des tas de choses par les Chinois aussi. Mais enfin bon, ça n'est qu'un jeune routard. Il a le droit de délirer sur le Tibet comme un jeune routard français peut délirer en Indonésie au milieu des temples et des brumes d'un alcool local. Enfin, et on se rend compte qu'il n'y a pas que l'occidental, il n'y a pas que Chatwin ou Marc de Gouvenin en balade en Éthiopie qui ont le droit de délirer sur les pays dans lesquels ils se promènent. Je m'appelle Raphaël Thierry, je suis chercheur, on dirait indépendant, spécialiste des questions de marché du livre africain. Mon travail, c'est de réfléchir à cette présence du livre africain dans le monde, d'essayer de comprendre comment on perçoit le livre africain, comment on perçoit sa diversité dans le monde du livre aujourd'hui, et comment est-ce qu'on l'intègre aussi dans notre corpus international à l'heure actuelle, ce qui pose un nombre assez important de questions en fait. Dans le cadre de mes études, j'ai eu la chance de faire un stage en métier du livre au Cameroun, où j'ai découvert un monde du livre qui m'était totalement méconnu. J'y allais véritablement avec des grandes interrogations. Et j'ai découvert un pays, le Cameroun, Yaoundé spécialement, la capitale, avec une histoire du livre, un marché, une diversité, des éditeurs, je pense notamment aux éditions Ifriqiya ou aux éditions Clé, qui ont publié des auteurs extraordinaires, des auteurs internationaux, qui ont fait émerger des plumes locales. Par auteurs internationaux, je pense à Voley Soyinka, à Patrice Ganang, je pense à Achille Bembe, je pense à Henri Lopez, qui a commencé sa carrière en 1972 aux éditions Clé, avant d'obtenir le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Qu'est-ce que vous lisiez comme littérature africaine avant de partir au Cameroun ? C'est toujours une question délicate pour moi. Je dirais que je lisais essentiellement des ouvrages qui étaient publiés en France. Et je ne me posais pas tellement la question de qu'est-ce que ça veut dire, en fait, lire du livre africain. Quand je dis du livre africain, c'est du livre publié en Afrique. Et être justement au Cameroun m'a fait découvrir qu'en vérité, je passais à côté d'énormément de choses et que je percevais la littérature africaine comme un ensemble. Ce qui n'est pas si juste en vérité. En France, il est logique que lorsqu'on édite un auteur africain, on puisse peut-être le catégoriser. Ça pose aussi un certain nombre de débats, particulièrement depuis ces dernières années. Mais une chose est certaine, l'édition française de littérature africaine est une goutte d'eau. Et de nombreux auteurs qui publient en France publient aussi sur le continent et on connaît parfois beaucoup moins leurs textes publiés sur le continent, ce qui est dommage parce qu'on passe à côté de pas mal de choses. Et de temps en temps, il y a un auteur publié sur le continent qui émerge au niveau international, comme par exemple Djaili Amadou Amal, écrivaine Peul du Nord Cameroun, qui publie des livres absolument extraordinaires sur la situation des femmes Peul au Cameroun, mais qui a aussi une esthétique, et c'est pas seulement des témoignages de vie, c'est aussi des témoignages littéraires d'une démarche d'écrivaine, elle en est à son troisième roman, et c'est des textes qui sont absolument universels, mais aussi qui nous apprennent beaucoup sur ces endroits qu'on connaît très peu, beaucoup trop peu, et peut-être aussi des endroits que l'édition africaine n'est pas à même de nous faire suffisamment découvrir. Donc c'est ça aussi qui m'a heurté, qui m'a finalement fait penser qu'il était important de mieux réfléchir à comment est-ce qu'on accède à tous ces livres et comment est-ce qu'on peut un peu peut-être ouvrir ce spectre de l'accès aux livres pour qu'il soit un peu plus international et qu'on parle un peu plus de la véritable bibliodiversité. Il y a des maisons d'édition en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Mais alors pourquoi est-ce que ces récits d'autres centres ne nous parviennent pas ? Peut-être qu'on ne voulait pas les entendre. Le premier roman dit « Roman nègre », c'est un roman qui s'appelait « Batoila » et qui a eu le Goncourt au début du XXe siècle. Donc ça fait vraiment institutionnalisation. Et à ce moment-là, ce texte nous est parvenu. Mais il faut comprendre que ce qui joue toujours, c'est aussi des projections d'exotisme. Et en fait, est-ce qu'on avait envie d'entendre ce que ces personnes-là avaient à nous adresser par leur texte aussi ? Ça pouvait être des revendications décoloniales ou tout simplement aussi des récits de soi qui, au fond, étaient peut-être assez semblables à un récit de soi qu'en aurait fait un écrivain français. Dans le cas de la littérature autochtone, pour parler de ce que je maîtrise plus, donc des Premières Nations au Québec, c'est vraiment en train d'éclater. C'est-à-dire que depuis 10 ans, sur la scène littéraire québécoise, il y a des maisons d'édition, au moins 2 maisons d'édition, la maison d'édition Anénorak, qui est une maison d'édition autochtone qui est située dans une réserve au nord de Québec, qui est gérée par des membres de la nation Huron-Wendat et qui travaille vraiment à revaloriser les textes sur les cultures et littératures des Premières Nations, et une autre maison d'édition qui s'appelle Mémoire d'Encrier, qui est basée à Montréal et qui est une maison d'édition dont l'éditeur est haïtien et qui a vraiment à cœur de faire exister des textes d'une multitude de centres, justement. Et au Québec, pourquoi est-ce que ça fait seulement 10 ans que ça existe ? C'est vraiment cette question de dynamique de domination qui est en jeu. C'est-à-dire que le Québec, c'est une province qui s'est construite comme minoritaire. Ils étaient francophones dans le Grand Canada anglophone. D'un point de vue économique, pendant longtemps, les francophones, c'était les prolétaires, les ouvriers, alors que c'était les anglophones, les patrons. Et donc, la littérature québécoise a déjà eu, elle, énormément de mal à s'institutionnaliser en tant que champ. À dire, on existe, on n'est pas seulement une littérature minoritaire, mais on est une littérature qui mérite un champ d'études et une reconnaissance tout autant que les autres. Et pendant tout ce temps-là, elle était du coup incapable de reconnaître qu'il y avait une autre littérature minoritaire qui existait au sein de son territoire et qui était la littérature des Premières Nations. Et il a fallu en quelque sorte que les Québécois en passent par cette guérison de leur propre ego en tant que culture minoritaire pour ensuite faire de la place aux autres. Et c'est souvent ça qui se passe dans le champ des cultures et des études qui sont liées à cette question du décolonial. C'est quand est-ce qu'on est prêt à reconnaître qu'en fait, nous, ça va, pour laisser de la place à des gens qu'on a potentiellement opprimés. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on arrive à un moment aujourd'hui aussi où ça se fissure. Et si on prend par exemple l'exemple de la France, c'est pas un hasard si la question du décolonial arrive de plus en plus sur le devant de la scène. C'est parce que c'est aussi les enfants dits de deuxième ou troisième génération qui en fait ont l'impression de ne plus avoir rien à prouver en tant qu'individu, en tant que Français, et qui se permettent de taper du poing sur la table aujourd'hui et de dire on a besoin de nous réapproprier nos récits et de montrer qu'il existe une multitude de centres au sein même par exemple de notre territoire français. Pour moi, le mouvement décolonial, c'est un mouvement en fait d'abord d'émancipation. Un mouvement d'émancipation qui s'adresse en fait à tout le monde, pas uniquement aux peuples qui ont été colonisés, pas uniquement aux enfants, aux générations issues des familles d'immigration, mais pour moi, ça s'adresse en fait à toute la société française, mais même pas que française, parce que cette problématique-là, ce mouvement décolonial, ne se passe aussi en Europe. Et déjà, les études postcoloniales ont démarré d'abord aux États-Unis. Et moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui en France, par rapport au contexte politique qu'il y a actuellement, et puis aussi par rapport à la montée des discours des extrêmes, comment le mouvement postcolonial peut apporter des outils, peut apporter des clés. Je m'appelle Pascale Obolo, je suis originaire du Cameroun, mais je vis en France depuis plus de 40 ans. Je me définirais comme franco-camerounaise et issue de la diaspora. Moi, je faisais partie d'un des premiers groupes de rap féminin qui s'appelait les Disney dans les années 80. J'ai grandi en banlieue. Je suis issue de la culture urbaine. Je suis cinéaste. Et je me suis toujours intéressée, en fait, même dans mon cinéma, la manière en fait, dont on pouvait faire les ponts entre les différentes disciplines. Je me suis beaucoup intéressée à l'art contemporain. J'ai créé une revue d'art qui s'appelle Africada. Africada est née de ce constat qu'il y avait une invisibilité des artistes issus du continent africain et de la diaspora. Qu'est-ce que vous faites exactement à la colonie et qu'est-ce que c'est que ce projet de la colonie ? Est-ce que c'est lié à un certain concept philosophique, à une certaine pensée politique? Ça s'appelle la colonie barrée, déjà. La colonie barrée dans le sens où on est dans la décolonisation, on est dans la déconstruction d'un certain récit. L'idée, c'est est-ce que cet espace peut proposer des contre-récits et aussi s'ouvrir aussi à des gens qui travaillent sur des études postcoloniales. Et la colonie, en fait, c'est un espace qui a été créé par l'artiste Kader Attia il y a 2 ans. Mais ça faisait quand même plus de 10 ans, je pense, qu'il travaillait sur ce projet-là, de créer, en tout cas à Paris, un espace, je dirais, de déconstruction, un espace d'émancipation. L'idée, c'est de partager des savoirs et comment, à partir des savoirs différents, on peut produire du commun. C'est d'inviter aussi bien des activistes, des associations, des universitaires, des collectifs d'artistes. L'idée, c'est pas qu'il y a un sachant et un non-sachant, mais avec ces savoirs différents-là, comment, ensemble, on va produire du commun. T'as des gens qui viennent de toutes les classes sociales. On a aussi bien des jeunes de banlieue qui viennent. On a aussi bien des commissaires d'exposition. On a aussi bien des universitaires, des jeunes en master, etc., etc. Donc, moi, quand je vois cette population qui vient en fait à cette université populaire, qui est ouverte à tous, et qui viennent quelque part pour pas seulement sur le plan théorique apprendre des idées, des concepts, etc. et tout, mais ils sont aussi dans le faire. Et du coup, quelque part, ça me permet de pouvoir en fait me réapproprier, de raconter en fait des récits qui sont propres à l'histoire d'où je viens, etc., etc. Il y a cet écrivain, Sami Tchak, qui est togolais. Il dit à propos de la littérature africaine prendra sa place au sein des autres quand elle inscrira sa splendeur dans la splendeur des autres et sa médiocrité dans la médiocrité des autres. Et donc il y a aussi vraiment, enfin je pense en tout cas au sein des champs et des écrivains et des artistes qui sont en train de s'établir, ce désir d'exigence, mais c'est là où il y a autre chose qui rentre en compte et c'est la question de l'exotisme. Et ça, encore une fois, si on revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que face à une œuvre, il y a toujours au moins 2 parties en présence, si ce n'est 3, parce qu'en plus il y a l'éditeur, mais il y a l'écrivain et le lecteur. Mais peut-être que le lecteur, lui, ce qu'il veut, il veut pas lire un roman amérindien qui va lui parler d'une jeune de 25 ans, parce que je pense qu'il y a un roman super qui vient d'être publié, c'est une jeune Inuit du Groenland qui raconte sa vie, ses amours, ses questionnements identitaires et sexuels, sur fond de questionnements sur aussi qu'est-ce que c'est qu'être une Inuit au Groenland. Mais c'est hyper contemporain en fait, elle prend de la drogue, elle va faire la fête, elle couche avec des filles et des garçons. Est-ce que le lecteur, quand il achète un roman Inuit du Groenland, est-ce que c'est ça qu'il veut lire ou est-ce que c'est des histoires de pêche avec des igloos et aller chasser le phoque, etc., etc. Et c'est là où il y a la question de l'exotisme qui rentre en compte. Et cet exotisme-là, il est quand même toujours hyper présent. Marc de Gouvenin, quand vous voyagez, vous repérez des auteurs aussi, vous essayez de raconter le monde par des auteurs du terrain? En voyageant, non. Parce que en voyageant, à moins d'être dans un milieu, on va dire intellectuel, cultivé, qui vous fait rencontrer un auteur, et puis après, quand on revient, on a envie de le publier, ou on suit le contact. Non, moi c'est pas ça. Par contre, m'intéresser à des régions comme la mer Rouge avec ses 2 rives yéménites, arabes et éthiopiennes, de chercher des auteurs. C'est peut-être le seul éditeur à avoir publié des Éthiopiens dans les années 90 quand même. Ensuite, ça s'est étendu à des régions que je ne connaissais pas personnellement, mais sur lesquelles j'avais beaucoup lu, comme le Congo de Liv Joris, m'intéressait à des écrivains du Congo, comme Jean Bofane, plus tard comme agent littéraire Fiston Mwanza. C'est des nébuleuses dont je parle là, et elles sont d'autant plus nébuleuses que, c'est-à-dire gravitant autour d'un centre, elles sont d'autant plus centrées que je ne me suis pas intéressé au monde entier. Mes coins favoris, on va dire, qui s'étendent d'un grand arc qui va de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient du Sud, en remontant jusqu'à la Sibérie. Là, voilà, là c'est dans des coins où je navigue bien. Et donc j'ai envie de répéter, chercher des auteurs. Voilà. Ils sont des locaux et leur imaginaire nous amène dans leur pays. Et puis il y a des gens qui sont les seuls à pouvoir parler d'un vécu. Là, je pense à Fiston Mwanza dans Tram 83, le quotidien de bars un peu sordides à Kinshasa ou à Lubumbashi avec une faune locale très particulière. Il faut être en local pour bien l'écrire, pour bien en parler. Je pense que les auteurs africains qui publient en Afrique font émerger des textes Raphaël Thierry. Qui parlent certes de leur monde, mais qui parlent aussi de leur vision du monde, qui parlent de leur vision esthétique et qui parlent peut-être de ce qu'ils veulent en fait. Et c'est justement cet espace de liberté qui m'intéresse. On a tendance à vouloir toujours percevoir la question africaine à travers des thématiques qui nous touchent. Hein. Je pense aux questions de migration, aux questions de réfugiés, aux questions de crise économique, aux questions d'islamisme radical, aux questions de polygamie, etc. La liste est longue, hein. Mais tout ça, c'est aussi des étiquettes. Et je pense qu'il ne faut pas enfermer la perception qu'on a du livre africain à travers ces étiquettes, parce que le monde du livre africain est tellement plus large. J'aime beaucoup ce texte de La Ferrière qui dit « Je suis un écrivain japonais », mais cette question, elle se pose aussi chez les écrivains qui publient en Afrique. Et d'ailleurs, pourquoi seulement des écrivains africains qui publient en Afrique? Il y a des auteurs non africains, particulièrement dans les éditions de jeunesse, qui ont des textes extrêmement pertinents, qui sont publiés en Afrique, mais à travers d'autres lignes éditoriales. Et en fait, la question, c'est moins de s'interroger en fait sur cette idée des thèmes, mais plutôt des lignes éditoriales, des esthétiques, de comment les littératures, comment les essais, comment le savoir en fait est développé en Afrique, de manière parfois différente, peut-être même dérangeante pour nous Européens. C'est ça qui est intéressant, ça peut nous faire revoir aussi nos codes, notre vision du monde, et c'est peut-être ça tout l'enjeu, c'est de se dire, aujourd'hui on a tout à gagner à ne pas percevoir l'édition africaine à travers uniquement ces grandes entrées, hein, qui sont ces thèmes qu'on a vus, revus, et lus et entendus. Et se dire qu'aujourd'hui, il y a des éditeurs, je pense à Cassava République au Nigeria, qui développent des collections autour des littératures queer, par exemple. Ben, c'est extrêmement passionnant, c'est un enjeu immense. Il y a une édition féministe qui se développe en Afrique du Sud, elle est essentielle. Il y a des textes avec une esthétique absolument passionnante qu'on observe à Madagascar, des styles graphiques dans l'édition de jeunesse, dans la bande dessinée, au Togo notamment, qui sont brillantissimes et puis qui nous font revoir justement ces codes esthétiques. C'est ça qui est intéressant, c'est des opportunités de s'enrichir et de bousculer aussi nos attentes littéraires. On ne va pas percevoir l'édition asiatique, on ne va pas percevoir l'édition américaine, latino-américaine, on ne va pas percevoir l'édition océanienne même. On va percevoir l'édition australienne, on va percevoir l'édition chinoise, on va percevoir l'édition brésilienne, etc. Pourquoi est-ce qu'on perçoit l'édition africaine? Donc c'est plutôt à ce niveau-là que je me situe en tant que chercheur, c'est-à-dire on a toujours perçu l'Afrique comme une globalité, mais l'Afrique c'est plus d'un milliard d'habitants, c'est 55 pays, peut-être même plus selon les situations. C'est plusieurs milliers de langues, c'est combien de centaines de milliers d'ouvrages, c'est des langues africaines, c'est de l'anglais, c'est du portugais, c'est de l'arabe. Donc l'Afrique n'a pas lieu d'être prise en compte comme une globalité. On peut la percevoir comme globalité si on veut classifier des aires géographiques dans un événement, par exemple, dans une collection. Mais il ne faut pas que ça devienne une représentation littéraire. Je pense que c'est important de percevoir justement, non pas l'Afrique, mais la diversité de l'Afrique. Et c'est peut-être justement ce petit changement dans les états d'esprit qui pourrait faciliter une ouverture beaucoup plus grande. Et je pense qu'aujourd'hui, des éditeurs comme Gallimard, comme Zulma, comme Actes Sud, pour aussi brillants qu'ils soient, ne sont qu'une goutte d'eau dans la production littéraire africaine. Et il serait extrêmement intéressant aujourd'hui de se tourner un peu plus vers ces autres géographies du livre africain. On parle beaucoup des difficultés, mais on ne parle pas assez de la richesse et de la diversité d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. La littérature swahili rayonne à travers une grande partie du continent. Il faudrait peut-être parfois y penser plus et se poser la question de la traduction de ces textes aussi. J'ai la sensation que ce qui est bankable, c'est justement cette histoire d'exotisme. Et que ça, oui, ça a fait vendre pour tout un tas de raisons, mais ne serait-ce qu'aussi parce qu'on peut partir du principe que la littérature, c'est un désir d'ailleurs. Et que quand on lit un livre, on a envie que ce livre-là nous emmène ailleurs. Et quand on voit qu'une très grosse maison d'édition comme Gallimard a créé une collection, il y a je pense 10 ans, qui s'appelle Continent Noir, avec des livres, avec la latérite sur la couverture, etc. Et donc tout ce que ça porte en termes de référents exotisants de l'Afrique, on voit bien qu'il y a une place pour ça dans l'institution littéraire. Et d'ailleurs, chez Continent Noir, il y a des très bons livres, comme des livres qui sont nettement moins bien. Et on peut se poser la question, lorsqu'on les lit, de, est-ce qu'ils ont été publiés là uniquement parce que les écrivains étaient noirs? Et dans ces cas-là, là, ça pose une question d'exigence et d'honnêteté intellectuelle qui est réelle et problématique. Je pense pas que ce qu'on appelle le décolonial, ça soit bankable. Mais peut-être qu'en fait, il faut redéfinir ce que c'est que l'approche décoloniale. C'est vraiment une approche. C'est quelque chose qui est né à la fois dans le milieu académique, donc chez les universitaires, chez les chercheurs et dans les milieux militants et activistes, où il y avait vraiment du coup ce désir dans les milieux activistes, on va dire minoritaires, de justement casser des récits dominants et de voir comment est-ce qu'on pouvait se réapproprier des modes de narration, avec justement cette idée que tous les récits sont situés et de voir où est-ce qu'on se situe sur cette carte du monde et un peu cette grande carte historique aussi de toutes les dynamiques de domination qu'ont traversé l'histoire du monde depuis des siècles. Je suis certain que la plupart des écrivains qui écrivent en Afrique ne se lèvent pas le matin en se disant « je suis auteur africain ». Il y a eu des réflexions qui ont été menées, je pense à ce fameux mouvement du tout monde, donc ces auteurs qui se sont positionnés vis-à-vis de ces étiquettes, écrivain francophone, écrivain africain. Ils ont envie de se définir comme ils veulent, et on les comprend bien. Par contre, il est clair que ces débats, aujourd'hui, sont beaucoup plus l'objet d'auteurs qui sont, on peut le relever, publiés au Nord. C'est pas du tout une critique que je leur fais. Mais c'est que derrière ces réflexions, il y a aussi la logique des marchés. Et la logique des marchés, elle pose la question ensuite de pourquoi il y a un déséquilibre dans les marchés de la littérature africaine, et pourquoi il y a des marchés de la littérature africaine comme la France qui émergent au niveau international, qui sont les meilleurs pourvoyeurs de traduction, qui sont la meilleure porte d'entrée vers la traduction internationale. Les éditeurs anglo-saxons font leur marché dès lors qu'ils traduisent des textes africains en France. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas faire leur marché, je mets bien ça entre guillemets, marché, mais à travers les événements du livre africain où ils iraient rencontrer justement des éditeurs africains et acheter des droits et favoriser cette dissémination des textes africains qui nous échappent en grande partie? Inévitablement, le monde globalisé tel qu'il est actuellement, il est centré sur des bases occidentales. Mais je me suis toujours intéressé à l'ailleurs. Donc voilà, j'ai publié Negam Ezlekia, qui parle de ses débuts de jeune étudiant révolutionnaire en Éthiopie, ou c'est Bad Gebrez Gabier qui parle des bordels d'Addis Abeba en 70. Voilà, moi je me suis intéressé aux autres, hein. Et je ne suis pas le seul, c'est ce que j'ai vu dans mon parcours aussi bien d'éditeur fréquentant les salons internationaux qu'agent littéraire. Il y a, on va dire, allez, une petite minorité intellectuelle qui ose, qui n'a pas peur, qui a aussi peut-être les moyens ou les coups des franges dans une maison d'édition où ils sont, et qui s'intéresse au monde. Voilà, ça n'est sûrement pas les livres qu'on verra en tête de gondole. Question très naïve, on n'écrit pas de la même manière partout dans le monde. On décrit pas son village, on décrit pas ses parents, sa famille, son amoureuse, son amoureux, de la même manière partout dans le monde. Mais non, parce que déjà on parle pas la même langue partout dans le monde, et en fait les langues sont extrêmement porteuses d'une façon de regarder le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je racontais l'anecdote où moi je me suis retrouvée à une séance de conte inou où tous les inous autour de moi étaient hilars et moi je comprenais pas la chute. Et je pense que c'est aussi vraiment des questions de code et de récit. Et dans l'approche décoloniale de la littérature, il y a aussi un souhait de dire les récits portent en eux cette fonction-là de dire un monde tel qu'il est ou tel qu'il a été avant d'être colonisé aussi. Et de dire que, par exemple, un écrivain, un écrivain inou qui va parler du caribou, Bah, quand il parle du caribou, il parle pas seulement de l'animal totem du Québec qui fait rire les Français qui viennent au Québec, mais il parle de son animal sacré qui est... Donc s'il parle, pour parler tout à l'heure par exemple de son amoureuse, et que dans une déclaration d'amour à son amoureuse, il va aussi mettre le caribou, il va aussi parler de tout le potentiel sacré porté par son peuple, d'un rapport à la nature, etc. Donc je pense pas qu'on écrive la même chose dans... toutes les régions du monde, déjà, parce que toutes les régions du monde et toutes les cultures sont pas nécessairement des cultures de l'écrit. Nous, on est une culture de l'écrit, mais moi, si je prends les textes inoue, la sédentarisation et donc le passage à l'école et à l'écrit, qui s'est fait de façon d'ailleurs très violente et très forcée, c'était, pour certaines communautés du Nord, c'était il y a 30 ans. Raphaël Thierry, quand vous entendez ce terme « décoloniser l'édition africaine »,« décoloniser l'édition », tout quoi, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Je l'aime bien ce terme parce que évidemment qu'il amène plein de débats, il va faire hérisser plein de personnes et je pense que ces débats-là ils sont nécessaires aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire que l'édition africaine est colonisée, hein, loin s'en faut, les éditeurs africains fonctionnent de manière indépendante. Mais néanmoins, si l'on regarde les équilibres de marché, on peut se poser la question de cette transition post-coloniale, pour poser ce terme de post-colonialisme. Je pense que quelque part il y a des logiques de monopole économique où clairement l'édition africaine reste un peu effacé à travers des mouvements de concentration, des mouvements de force économique, des mouvements de capitalisme éditorial qui sont évidemment beaucoup plus promoteurs d'une économie du livre du Nord. Il y avait une représentation du livre africain qui était internationale jusqu'aux années, début des années 80. Je pense à Mariam Abba qui a obtenu le prix Noma du livre en Afrique à la Foire du livre de Francfort, 1980. Dans un événement qui a mené près de 200 maisons d'édition du continent à Francfort et qui a favorisé la traduction de ses textes. Mariam Abba, sa carrière internationale, elle est décédée l'année suivante hélas, mais sa carrière internationale, la transmission de ses œuvres en différentes langues, en 14 langues, a été permise grâce à ce prix. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a simplement une logique économique internationale qui est intervenue. Il y a la mise en place d'un plan d'ajustement structurel, on ne le rappelle pas assez, mais qui a mis en place des logiques d'austérité à travers le continent africain. Quand il y a des logiques d'austérité, les secteurs culturels sont en général les premiers touchés. Et l'édition continentale a perdu beaucoup de place, notamment dans les programmes scolaires. Et il se trouve que quand on pense que le scolaire est la base de la diversification de la plupart des industries du livre dans le monde, les éditions Hachette ne seraient peut-être pas les éditions Hachette, le groupe Hachette qu'il est aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu le scolaire à l'origine. Bon, il y a évidemment aussi les bibliothèques de gare, mais c'est une autre histoire. Ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, la perte de force économique, de soutien économique et de présence dans les programmes scolaires de l'édition africaine a essentiellement profité à une édition du Nord beaucoup plus compétitive, de ces firmes éditoriales étrangères, britanniques, françaises, qui sont implantées et qui trustent les programmes scolaires. C'est bien sûr se réapproprier la façon de dire, mais c'est aussi se réapproprier ce qu'on va dire et ce qu'on veut dire de soi. Il y a un exemple qui est très intéressant et qui est très actuel là-dessus, c'est le spectacle d'Ariane Mouchkine, qui a eu à la Cartoucherie, Kanata. Ah, je peux t'en parler pendant des heures. mais c'est hyper intéressant parce que ce qui s'est passé, c'est que donc Mouchkine, Ariane Mouchkine, la dramaturge du Théâtre du Soleil, extrêmement reconnue ici, qui a beaucoup fait pour mettre en avant les cultures du monde, elle va au Canada, au Québec, elle va voir Robert Lepage, qui est donc un très grand dramaturge québécois également. Et elle dit « Je veux faire un spectacle avec toi qui s'appellerait Kanata ». Donc Kanata, c'est le nom Huron-Wendat du Canada. Et ce serait une histoire du Canada à travers l'histoire des peuples autochtones. Quand ça sort dans le journal Le Devoir, qui est un grand journal québécois, l'équivalent du Monde à peu près, il y a une tribune d'intellectuels et d'artistes des Premières Nations qui disent « Ok, on veut bien, mais on veut qu'on en parle. Et on veut pas que ça se fasse sans nous. » Et ce qu'ils déploraient, c'était l'absence de collaboration dans l'écriture et dans toute la fabrique du spectacle. Pour précisément cette question-là de la réappropriation des récits aussi, pour choisir qu'est-ce qu'on a envie de voir de nous, qu'est-ce qu'on a envie de dire de nous. Et ils avaient très peur d'une reproduction de l'exotisme et des images qu'on plaque souvent sur l'Indien. L'Indien, il a des plumes, il vit dans des tipis. L'Indien contemporain, il se drogue. Il est pauvre, il est obèse, il vit dans des réserves. Bah, ça n'a pas manqué. Mouchkine, c'est pas elle qui a mis en scène le spectacle, c'est uniquement Lepage avec la troupe du Théâtre du Soleil. Mais moi j'ai été voir ce spectacle-là, et qu'est-ce qu'on voit ? Des Indiens qui ont des plumes dans les cheveux, qui se prostituent, qui se droguent. Donc voilà, c'est-à-dire que les attentes et les craintes par rapport à la question de la dépossession des récits, c'est aussi des craintes par rapport à une reproduction de cet exotisme-là, qui fait vendre, justement. Et d'ailleurs, la salle était debout à la fin et applaudissait à tout rompre, mais aussi parce qu'on montre des images, en fait, auxquelles on est habitué. Et c'est ça aussi l'exotisme. L'exotisme, c'est quelque chose qui s'est construit pendant des siècles à partir de récits de voyage, justement, aussi, et de regards qu'avaient posés des voyageurs, des découvreurs sur des populations. Mais ce regard-là, il est à sens unique, en fait. C'est-à-dire que ce regard-là, il a été... il n'a pas forcément été interrogé sur un point de vue d'égalité dans des champs que sont les institutions littéraires comme les maisons d'édition, les festivals, l'université, enfin tout le système de reconnaissance d'une littérature. Il n'a pas forcément été aussi interrogé sur un pied d'égalité par les personnes dont parlaient ces textes. Et ça, ça arrive maintenant. Ce que sous-entend l'anecdote dont tu viens de parler à propos du spectacle derrière Mouchkine, c'est aussi qui parle pour ces communautés, qui sont les référents de ces communautés. Parce que dans chacune des communautés, il y a des personnes plus ou moins éduquées, il y a des personnes plus ou moins médiatisées, il y a des personnes qui écrivent, d'autres qui n'écrivent pas. Est-ce que ces personnes sont légitimes au sein des communautés dont tu parles pour s'exprimer en leur nom ? Bah déjà, je sais pas si c'est à moi de décider de la légitimité des représentants de communautés auxquelles je n'appartiens pas. Moi, j'estime légitime quelqu'un à partir du moment où il a, d'une part, un savoir expérientiel de ce dont il parle. Et ça, c'est du coup aussi vachement la praxis décoloniale, c'est de dire que c'est pas seulement de dire il y a que les noirs qui ont le droit de parler des noirs, il y a que les blancs qui ont le droit de parler des blancs, mais c'est de dire que bon, de fait, le savoir expérientiel, c'est quelque chose qui est à mon sens valorisable, et d'autre part c'est la question de... Enfin, la légitimité d'une personne, elle se mesure à l'aune de l'intelligence de son discours, quoi. Et encore une fois, l'intelligence de son discours, est-ce qu'on peut pas aussi l'analyser avec autre chose que une attente qui va être il a un doctorat, ou il est labellisé écrivain par Gallimard. Donc, la clé, c'est aussi vachement cette question de parole située. Et c'est-à-dire que si la personne en face de toi dans la communauté, tu sais qu'elle a une place au sein de sa communauté dont la légitimité est remise en cause pour telle ou telle question, la question se pose vachement chez les Premières Nations avec la question des chefs, des bandes, où il peut y avoir des questions de corruption qui sont en compte, etc. etc. Voilà, après, on sait que toute parole est située et on voit comment est-ce qu'elle parle au sein de ces communautés-là. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, effectivement, pour moi, ce qui est important même, c'est de pas verrouiller, mais c'est de considérer qu'il faut vraiment garder ces conversations entre les communautés et au sein des communautés, avec tous nos différents endroits, mais en ayant cette conscience de qui parle, d'où est-ce qu'il parle, et qu'est-ce qu'il représente, en fait, comme dynamique. Et avoir ces consciences-là, ça va tisser, j'espère, une petite toile d'araignée partout dans le monde, et on sera capable de continuer d'aller d'un point A à un point B en essayant, je l'espère, d'inventer quelque chose de nouveau, qui est de dire quand je vais dans... Si par exemple moi, en tant qu'universitaire blanche, je vais parler de telle littérature, bah, je vais toujours faire attention à en parler avec un artiste autochtone, par exemple. Et vraiment de continuer à faire bouger, un peu comme sur un boulier, quoi, à faire bouger nos points de situation les uns par rapport aux autres, mais pas de verrouiller. Parce que ça, ce serait triste et inquiétant, et souvent c'est ce dont est taxée l'approche décoloniale, en disant elle verrouille tout, elle interdit, alors qu'en fait précisément elle fait l'inverse, elle ouvre. C'est peut-être l'aspect militant, très militant, et c'est peut-être aussi le fait que ça soit juste le début et que c'est une période de combat aussi qui crée ça. Oui, puis c'est porté par des gens qui sont en colère aussi. Et on peut comprendre qu'ils sont en colère parce qu'on leur a demandé de se taire pendant tellement longtemps que effectivement, quand tu demandes à quelqu'un de se taire, bah, quand il commence à se sentir l'autorisation de parler, peut-être pas qu'il parle, d'abord il crie. Mais il faut probablement passer par là d'abord. Ouais. Moi, quand j'ai découvert certains des penseurs, même par exemple des Aimé Césaire, j'ai commencé en tout cas à pouvoir en fait comprendre certaines choses que je n'arrivais pas à comprendre dans l'histoire de France et comment je me situais au sein de la société française ou sur le plan global dans la mondialisation. Pascal Obolo. Dans les universités en fait françaises, il y a pas, c'est pas comme aux États-Unis où on a des départements d'études postcoloniales. En France, ça existe pas dans les universités. À l'école, même dans les petites écoles, quand j'ai des petites écoles, lycées, etc. et tout, il y a très peu de choses. Donc du coup, quand on est issu de cette histoire-là, c'est super difficile. Dans une société où t'es invisibilisé, dans une société où il y a une partie de ton histoire que tu ne retrouves pas, qui n'existe pas, il faut que tu ailles chercher des outils qui te permettent en fait de te redéfinir, de comprendre comment s'est construit aussi cette société, comment elle a construit en fait les individus et comment on fait pour aussi le vivre en commun, comprendre l'histoire de l'autre, comprendre la culture de l'autre et être dans l'échange. L'histoire coloniale, la manière dont elle a été réécrite et la manière dont elle est enseignée, c'est les vainqueurs qui l'ont écrite, d'une manière dont ça les arrangeait. Et aujourd'hui, des gens qui sont, je dirais, les colonisés, eh ben, quelque part, aujourd'hui, ils ont envie de connaître cette histoire. Ils ont envie, à partir des transmissions de leurs parents, de l'école française, peut-être là où ils ont étudié, comment à partir de ces différents récits, ben, on essaie de reconstruire en fait un récit où il n'y a pas des manquements. Les clés qui sont produites dans le mouvement en fait des coloniales, c'est plus un courant en fait. Comment on fait pour guérir une société malade ? Parce qu'il faut déjà prendre conscience qu'on est dans un corps malade. Les maladies en fait sociétales, c'est toute cette montée des discours extrêmes, c'est le racisme, c'est l'islamophobie, etc., etc. Comment on peut donner des réponses ? Comment soigner en fait cette société malade ? Le fait de se décoloniser, ça s'adresse d'abord aussi, avant tout, aux gens qui ont été colonisés. Une fois que tu es guéri, tu peux après soigner l'autre parce que tu as une méthodologie, des clés, des outils pour pouvoir en fait échanger et en tout cas le proposer à ceux qui veulent bien se soigner dans ce sens-là. J'aurais jamais pensé en fait qu'il y aurait vraiment un écho, un intérêt, une... C'est un mouvement en fait qui répond totalement aux urgences sociétales du XXIe siècle. Parce que c'est vraiment, ça fait le lien entre le passé, le présent, le futur. Et sans ça, c'est ça qui est vraiment bien dans ce mouvement décolonial, parce qu'effectivement, ça vient quand même des blessures qui émanent du passé. Et ben, on essaie de trouver une manière de les soigner, de les cicatriser. Et le futur en fait de ce mouvement, c'est comment on peut vivre tous ensemble, donc être bien pour pouvoir accepter l'autre et les différences de l'autre. La décolonisation, elle se passe avant tout en chacun de nous. C'est penser ce que c'est la décolonisation. On pense toujours qu'il faut aider l'Afrique, mais des fois je me dis qu'il faudrait peut-être apprendre à s'aider nous-mêmes en percevant tous ces livres, en percevant cette richesse. Il faut juste saisir ces occasions de nous briser un peu nos géographies du livre et évoluer. C'est simplement une question d'évolution. Et je pense que le chemin se fait de toute façon et qu'il n'y a pas à être pessimiste, il faut juste être patient et savoir se remettre en question. Quand vous êtes chez des amis en Afrique, est-ce que vous voyez beaucoup de livres chez eux ? J'ai eu quand même la chance d'avoir un certain nombre de portes qui se sont généreusement ouvertes. J'ai pu nouer des relations d'amitié au Cameroun. C'est vrai qu'on ne va pas forcément trouver des immenses étagères remplies de livres, ce qui ne signifie pas non plus que le livre n'a pas beaucoup de valeur pour les personnes qui vivent au Cameroun. Simplement, l'accès au livre n'est pas toujours simple. Le livre est effectivement cher, hein, pour des raisons multiples et variées, à commencer par le fait que les accords qui devraient faciliter l'apport des intrants, donc ce qui permet la fabrication de papier, et qui ne devraient pas être taxés à l'entrée sur les pays, ne sont pas respectés ou de manière très déséquilibrée. Donc du coup, le livre, pour être produit, doit être produit soit à l'étranger, soit de manière très onéreuse sur place. Donc tout ça se répercute sur le coût du livre. Il n'y a pas de réinvestissement des grands éditeurs internationaux au niveau local. Quelque part, ça favorise l'édition étrangère, mais pas l'édition locale. Donc, d'une certaine manière, l'édition africaine est parfois un peu coincée dans ces logiques où elle ne peut qu'être relativement onéreuse. Et donc, évidemment, quand le pouvoir d'achat est limité, ça limite l'achat de livres. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne font pas des sacrifices, je dis bien sacrifices, pour acheter ces livres-là. Quand il y a des événements de livres, des dédicaces, on voit que le livre a une présence forte dans les sociétés et a un impact social extrêmement important. Alice, on va aborder un autre aspect de ta vie. On est donc quai de la Marne, au loin on voit le quai de la Loire. Tu as réalisé un certain nombre d'émissions au sein d'un projet qui s'appelle Stalingrad Connection, dans cet endroit. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et ce qu'il raconte du monde aujourd'hui ? C'est un collectif, du coup pour moi c'est aussi important de le dire, on est vraiment plusieurs dans ce collectif, c'est pas moi qui le porte plus qu'un autre ou qu'une autre. Stalingrad Connection, c'est une émission de radio collaborative créée par des personnes exilées et non exilées, en plusieurs langues, autour des questions de la migration. Et Alice, comment est raconté ce grand récit contemporain, ce grand récit des migrations ? Mais moi je trouve qu'il est pas trop raconté en fait justement. Je trouve qu'on l'entend peu pour le moment. Médiatiquement, il est quand même souvent raconté avec un biais qui est le biais, comme dirait Hassan justement, qui est membre de Stalingrad Connection. Oh, I'm a poor little migrant. Mais il me semble que ce biais-là, qui est un biais misérabiliste et paternalisant, il fait tout entendre mal parce qu'en fait, c'est aussi procéder d'une certaine mise à distance de ces récits de vie-là. Et moi, il me semble que si on regarde Paris, en fait, au moment où il y a eu tous ces campements-là dans Paris, les gens qui se sont bougés, c'est les gens qui habitaient à côté, en fait, et qui, dans un réflexe assez humain, en fait, n'ont pas supporté de voir des familles avec des enfants dormir en bas de chez eux. C'est un peu venu les chercher dans leur bonne conscience, et du coup, ils se sont mis à bouger. Mais ceux qui habitaient 4 arrondissements plus loin, ils l'ont pas vu. Et donc, du coup, ce qu'ils ont vu, c'est des récits médiatiques de « Oh, justement, pauvre petit migrant qui vit très loin et auquel il n'y a pas de processus d'identification qui est possible. » Et j'ai l'impression que pour le moment, ce grand récit de migration, il est raconté comme ça. Il est raconté en fabriquant des autres. J'ai l'impression qu'il y a un des gros enjeux dans le fait de raconter cette migration-là, qui est d'une part, moi j'ai hâte d'entendre des récits venant de ces personnes-là. Il y en a qui sont en train de s'écrire, il y en a qui sont en train de se créer en termes de films, en termes de récits radiophoniques, en termes de récits photos, et ça va arriver. Donc ça fait pas longtemps en fait, ça fait 4 ans, donc il faut aussi laisser le temps à ces personnes de retrouver un semblant de vie décente pour ensuite pouvoir souffler et prendre les armes pour raconter leur propre vie. Et puis j'aimerais aussi entendre les récits de rencontres des personnes qui n'ont pas supporté de laisser crever des gens en bas de chez eux. Parce que justement, là, il me semble que dans ces rencontres-là, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'après, ce qui se tisse, c'est plus des identités situées, mais c'est des relations, en fait. On devient amis. On retombe maintenant nécessairement sur la globalisation, mondialisation du monde. Est-ce que le voyageur qui a une trentaine d'années, qu'ils soient américains, indiens, chinois ou brésiliens, est-ce qu'ils sont très différents ? Si on va dans un backpacker à Wellington, en Nouvelle-Zélande, on va trouver aussi bien des gens d'Amérique du Sud, des Colombiens, que des Espagnols qui ne voyageaient pas autrefois, qu'un ou deux Africains, que des Chinois. Il y a une globalisation là aussi. Et celle des imaginaires, je pense aussi. Merci à Marie-Hélène Traissé, Alice Le Filleul, Pascal Obolo, Marc de Gouvenin, Raphaël Thierry, Alix Hugonnier et Kader Atia. Raconter le monde, décoloniser le récit du monde, un documentaire d'Arnaud Contreras pour la série documentaire France Culture, réalisation Jean-Philippe Navarre, mixage Alain Joubert.